Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Skyrock. Yeah, yeah, baby. Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you. Artiste masculin de l'année. Okay. Artiste féminine de l'année. Révélation de l'année. Album de l'année. Right. Titre Skyrock de l'année. Mets le son en fond, la famille. Toute cette semaine, Fred te dévoile les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Okay. Ce soir, découvre quelle est l'artiste féminine de l'année. Et c'est parti pour le Planète Rap spécial Vote Planète Rap. Vous réagissez avec le hashtag Vote Planète Rap. Bienvenue à vous tous. Hier, Black M a été couronné artiste masculin de l'année. Aujourd'hui, qui sera le numéro 1 de ce classement que vous avez établi pendant un mois en votant sur le skyrock.fm? Ils étaient 9 dans cette catégorie ce soir. Artiste féminine de l'année, il y avait Beyoncé, Iggy Azalea, il y avait Indila, Ariana Grande, Kenza Farah, il y avait Aïna Samet, Rihanna, Nicki Minaj ou bien encore Katy Perry. Qui sera donc la numéro 1? Pour qui les 200 000, vous avez été 200 000 hein, à voter pour les votes Planète Rap cette année. On va vous dévoiler ce classement jusqu'à 21h, un petit peu avant 21h, heure à laquelle vous retrouverez tout à l'heure D-Fool sur Skyrock. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous. C'est donc parti avec la 9e position. On attaque. 9e position, elle est pour Katy Perry, qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. 9e. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Tout le mois de décembre, va voter pour tes artistes préférés. Thank you, thank you. Ce soir, artiste féminine de l'année, numéro 9. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic, boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Mark my words, this love will make you levitate. Like a bird, like a bird without a cage. Down to earth, if you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand. A beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She wrapped me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama so dope, I messed around and got addicted. Les 20h-21h, les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Artiste féminine de l'année, thank you. Numéro 8. besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air. Couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir les visages briller et voir mes protos kiffer. L'odeur de la viande crier. On est tous là pour kiffer. Je me suis déconnectée. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnectée. Je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie. Passe mon pas, c'est maudit. J'ai mis les bagages dans l'Audi. Je vis sous le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pourrais faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Votre Planète Rap tous les soirs de la semaine, cette semaine entre 20h et 21h, 200 000 votants et la 8ème position, elle est pour celle qui nous a ambiancé tout l'été. Hein. On se souviendra de cet été 2014 et de ce morceau Déconnecté où on retrouvait sur le projet DJ Amida, Rimka l'artiste et Kaina Samed. Kaina qui a aussi sorti un bel album cette année, Thug Wife, que je vous conseille. 8ème position pour Kaina Samed, on écoutait Déconnecté à l'instant. Les votes continuent, on va savoir qui sera numéro 1 là d'ici quelques minutes. Réagissez aussi avec le hashtag Vote Planète Rap. Vous envoyez tous vos messages sur Skyrock. On en est à la 7ème position. J'ai envie de dire une valeur sûre, hein, les présente chaque année dans ce top. Et pourtant, on n'a pas sorti d'album cette année. Il paraît que ça arrive là pour 2015. 7ème de vos votes, c'est Rihanna qu'on écoute avec un de ses classiques. Tiens, Diamonds in the Sky. Skyrock, découvre qui sont les grands gagnants des votes Planète Rap 2014. Are you ready? Ce soir, artiste féminine de l'année. Thank you. Numéro 7. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful. chasing star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt energy of surrender. I saw the life inside of you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine. Votre Planète Rap 2014 sur Skyrock. Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you, thank you. Ce soir, artiste féminine de l'année, numéro 6. Even though what you was doing wasn't tasteful, even though you out here looking so ungrateful, I'ma keep it moving, be classy and graceful. I told them it's no friends in the game, you ain't learned that yet. All the bridges you came over, don't burn that yet. Cause they want respect, but they didn't earn that yet. Self-righteous and entitled, but they swearing on the Bible that they love you when really they no different from all your rivals. But I still don't wish death on them, I just reflect on them. Pills and potions, I'm angry, but I still love you. Pills and potions, we're overdosing. Can't stand it, but I still love you. Yo, people will love you and support you when it's beneficial. I'ma forgive, I won't forget, but I'ma dead the issue. Soon as you out they little lives, it's when they start to miss you. They see you doing good, now it's kinda hard to diss you. Yeah, they be sick when they remember all the bad they wished you. Yeah, they be mad when they can't come and live lavish with you. But I sped off in the Benzie. I see the envy when I'm causing a frenzy. So I pop pills for 'em. Cop cribs in the hills on 'em. Pills and potions, we're overdosing. I'm angry, but I still love you. Pills and potions, we're overdosing. Can't stand it, but I still love you. I still love.

Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you. Nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you. Nah, nah. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, it happened, oh baby. Drunk in love, we be all night and everything alright. No complaints from my body, so fluorescent under these lights. Boy, I'm drinking, walking in my last 7 minutes. I'm grubbing on it, we're grubbing. If you scared, call and ribbon. Boy, I'm drinking. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen, oh baby? Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off of that glue. Drunk in love, we be all night. Oh, we be all night. I'm nice right now. Hold up. I do say it's the shit. If I do say so myself. If I do say so myself. If I do say so myself. Hold up, stumble all in the house. Time to back up all of that mouth that you had all in the car. Talking about you the baddest bitch thus far. Talking about you be reppin' that third. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink Clint Eastwood. Hope you can handle this curve. Four play in a foyer. Fucked up my Warhol. Slint your panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Beat the box up like Mike. In 97, I fight. I'm Ike. Turn up, baby, no, I don't play. Now eat the cake, anime, said eat the cake, anime. I'm nice, but y'all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tights. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast, we gon' in. We be all night. Les votes Planète Rap 2014, vous avez été 200 000 à voter ce soir. C'est la catégorie artiste féminine de l'année. On va savoir dans un instant qui sera numéro 1. Ça va jouer entre Kenza, entre Indila, entre Ariana Grande. Réponse là d'ici quelques minutes sur Skyrock. Quatrième position, 11,4% des votants. L'événement toujours, Beyoncé qui était en concert au Stade de France avec Jay-Z au mois de septembre dernier. Drunk in Love, c'est ce qu'on écoute à la quatrième position. On attaque donc les trois premiers. On va savoir d'ici quelques minutes. D'ici quelques minutes, je vous annonce donc qui se trouve à la place de numéro 1 de vos votes. À la place de numéro 3 avec 14% des votants, c'est Kenza Farah qu'on retrouve aux côtés de Joule pour Problème. Skyrock. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Tout le mois de décembre, va voter pour tes artistes préférés. Thank you, thank you. Ce soir, artiste féminine de l'année, numéro 3. Truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Planète Rap 2014, c'est vous qui avez voté pour l'artiste féminine de l'année, la troisième position, 14% des votants. C'est pour Kenza Farah qu'on écoutait aux côtés de Jul à l'instant avec le morceau Problème. Il est grand temps de vous révéler, avant de retrouver la radio libre de Default tout à l'heure, qui sont donc à la place de numéro 2 et numéro 1. Et vous allez vite comprendre quand je vais vous donner la deuxième position qui est numéro 1 avec 14,7% des votants. C'est vous qui avez décidé de cette deuxième position. Il s'agit Ariana Grande, Love Me Harder, elle est deuxième, ce qui veut dire que Indila, on la retrouvera dans un instant d'ailleurs, Indila, on va lui passer un petit coup de fil d'ici quelques minutes, et numéro 1, je vous annonce son résultat, son score à Indila dans un instant, et là on écoute la deuxième position pour Ariana Grande, 14,7% des votants, voici Love Me Harder. 20h-21h, les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock, artiste féminine de l'année, numéro 2. Tell me something I need to know, then take my breath in. Never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you'll know this is something bigger than us and beyond bliss. Give me a reason to believe it. 'Cause if you want to keep me, Skyrock et c'est Planète Rap, les votes. Planète Rap 2014, c'est vous étiez 200 000 à voter. La place de numéro 2 pour Ariana Grande, 14,7% des votants. Et je vous le disais donc il y a quelques minutes, la numéro 1, l'artiste féminine de l'année, c'est Indila, qu'on retrouve tout de suite. Ça va bien Indila, tu m'entends? Allô, allô? Bonsoir, bonsoir. Ça va Indila? Extrêmement bien, merci, je vais très très bien. Je crois que je ne peux pas mieux aller que ce soir. Eh bah écoute, je suis ravi de t'avoir. Je suis ravi de t'annoncer ton score. 23,9% des votants pour toi Indila. C'est toi qui es numéro 1. Et je repense moi à toutes ces années quand tu venais dans Planète Rap. Justement, quand tu venais chanter avec différents artistes. Et quelle année pour toi cette année là, incroyable. Une année incroyable. Tu vois là, j'ai les mains qui tremblent. J'ai le cœur qui bat la chamade. Parce que c'est Skyrock. Et parce que effectivement il y a cette histoire particulière et très sincèrement, là vraiment, ouais, sincèrement, très très très, mais très très très, très touchée par ce prix. Je n'imagine pas à quel point est-ce que ça m'enchante. Faut pas oublier que Skyrock c'est une radio qui a bercé ma jeunesse. Et forcément, bon bah ça m'émeut de savoir ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Hein, je l'écoute d'ailleurs encore, bien entendu. Bah, t'es pas très très vieille non plus, Indila, donc ça devrait aller à peu près. Effectivement. Donc oui, merci à tous les auditeurs Skyrock. Je remercie et salue également mes consoeurs artistes qui concouraient avec moi dans ce jeu. D'ailleurs, je voudrais partager cette victoire avec elles, puisque la musique, c'est le partage, n'est-ce pas, Fred? C'est vrai, tu as raison, et tu as toujours été dans le partage, Indila. Et oui. Et surtout, un merci, mais gros comme le monde, pour tous ceux qui ont voté, pour tous les dreamers. Le fait que tous les dreamers, je m'adresse à eux directement, le fait que vous m'ayez élu ce soir, bien, ça signifie et ça traduit beaucoup, beaucoup pour moi. Donc, merci infiniment. Et oui, donc pour répondre à ta question, Fred, tu vois, j'ai la voix, j'ai encore un peu d'émotion dans la voix. Mais c'est bien, continue. Petite larmichette d'Indila en direct. Non, un sourire vraiment, mais surtout, non, très, très, très contente et une année formidable. Bah. Ouais, parce qu'il faut quand même aussi résumer en chiffres. En chiffres, c'est quoi? C'est plus de 600 000 albums vendus. Tu vas être derrière Stromae, tu vas être la deuxième meilleure vente. Alors, tout artiste confondu, pour cette année 2014, qui est incroyable. Non, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Voilà. Moi, ça me dépasse encore une fois. C'est la musique, je crois que ça reste une science qu'on pourra jamais vraiment cerner parce que je reste à chaque fois surprise et étonnée vraiment de tout ce qui se passe, de ce que ça engendre. L'Inter aussi, qui est encore une énorme surprise pour moi. Quand j'ai appris récemment qu'on avait touché 1 million de cœurs, parce que je dis pas 1 million d'albums, mais je dis 1 million de cœurs, de dreamers, à l'international au total. Énorme, énorme. Fred, tu te souviens de moi? Je me souviens très bien de toi, ouais, ça je te confirme. Non, c'est super, vraiment. Et puis là, Skyrock ce soir, les auditeurs Skyrock qui me donnent cette victoire, je vous dis, c'est super. Et bah, tu feras un bisou aussi à Scalp, hein, qui a bien bossé avec toi sur cet album qu'on salue. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Cette victoire aussi. Demain, grosse fiesta ou pas pour fêter cette année incroyable 2014, Indila? Demain soir. Là c'est réunion de famille, bien entendu. Tu sais qu'on est le 31 décembre demain, on bascule en 2015. C'est vrai comme truc. Mais ça fait peur, ça va trop vite. Ça va trop vite. Je me rappelle des années 2000, j'ai l'impression que c'était hier encore et là on a. Ouais, c'est quand même dingue. Bravo à toi en tout cas, vraiment merci d'avoir été avec nous ce soir. On te souhaite plein de bonnes choses pareilles pour 2015. Et puis en effet, numéro 1, on va écouter d'ailleurs un bon petit medley de toi là jusqu'à l'heure de retrouver Difool et la Radio Libre. On va écouter plein de sons de toi en medley. On va écouter une version que tu avais fait aussi lors de ton passage dans Planète Rap de Dernière Danse. Ça arrive d'ici quelques minutes. Et on te fait plein de bisous, bravo. Merci beaucoup, je partage cette victoire avec tout le monde. Merci du fond du cœur et avec la, tu dis avec la plus grande des sincérités. Merci à tous les dreamers et à tous les auditeurs de Skyrock et à Skyrock bien entendu. Je te fais des bisous Indila. Merci beaucoup, prenez soin de vous, soirée. Je reste avec vous. Ok, bisous. Et reste bien à l'écoute, on va écouter tes sons maintenant sur Skyrock. Ciao. Ok, ça marche, ciao. Les votes Planète Rap 2014 Skyrock. Are you ready? Tout le mois de décembre, t'as voté pour tes artistes préférés. Thank you. Ce soir, artiste féminine de l'année, numéro 1. Les votes Planète Rap 2014 sur Skyrock. Bonjour, c'est Indila sur Skyrock. Artiste féminine de l'année, Indila. Les votes Planète Rap 2014.

je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, vient la douleur? Dans tout Paris, je m'abandonne. C'était lors de son Planète Rap, Indila, qui nous offrait cette belle version de Dernière Danse. On avait eu aussi une autre version, hein, qu'elle avait offert à Skyrock, celle avec Black M. Black M hier était artiste masculin de l'année, ce soir artiste féminin de l'année, Indila, qu'on avait en ligne à l'instant sur Skyrock. Demain soir, ce sera révélation de l'année. Vous avez voté, hein, 200 000 votants pour ce grand vote Planète Rap 2014. Qui sera le numéro 1? Réponse demain, entre 20h et 21h. Et juste avant de se quitter, avant de retrouver la radio libre de Difool, il est grand temps de faire tourner la roulette. Skyrock t'offre une Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros, des fringues Watibé, plus l'intégrale du Watibé en CD. Salut Riyad de Bordeaux. Salut Fred. Ça va, tu passes une bonne soirée Riyad, tout va bien? Ouais, franchement super. Bon, quoi de prévu demain pour le réveillon? Qu'est-ce qui se passe Riyad à Bordeaux? Bah écoute, là il y a une petite soirée qui est organisée là, demain sur Bordeaux avec des amis et tout. Bah pas mal, c'est bien. Ouais, bon, ça va être super quoi. Avec les potes pour attaquer 2015 avec les potes, c'est parfait Riyad. Ouais, franchement super. Et pour vous, bien, vous avez préparé quoi? Moi pareil avec des potes, à part, tranquille. Ah ouais, une petite dizaine de potes, beaucoup d'alcool, mais on rentre à pied. Attention. Hein. Ouais, évidemment, on rentre à pied direct. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. J'espère que tu as choisi ton femme. Ou je dors sur place. ça dépendra de l'état. Ça dépend de la Et Riyad, pour bien finir cette année 2014, il y a la roulette qui tourne. Dès que tu veux, tu dis stop. C'est parti. Vas-y. Stop. Ouais, t'as de la force, toi, c'est bon. Riyad, pour bien conclure l'année 2014 et puis en espérant qu'elle commence bien aussi pour toi en 2015, puisque ça, je vais te dire dans un instant déjà, là, ce que tu as gagné, c'est la totalité de Watibé, le label Watibé, c'est pour toi, avec casquette qui va avec. Et donc, je te disais, pour aussi bien commencer l'année 2015, rancard le lundi 5 janvier entre 6h et 9h dans le morning de Difool. Regarde, je prends ta petite fiche, je la mets dans l'urne et il y a la voiture, la Citroën C1, qui sera peut-être pour toi, Riyad. Ok, super. Et ben on croise les doigts, plaisir, ça, hein. Et rencard le 5 janvier avec Difool de retour avec toute l'équipe en pleine forme. Bon bah super hein. Ça c'est super ça. Merci Riyad. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Ah, je passe une dédicace à tous ceux qui me reconnaissent sur Bordeaux. Ouais. Et mes anciens amis qui habitaient de Tours aussi. Et bah ça roule. Passe une bonne soirée. Allez, bonne soirée. À très vite. Ciao Riyad. Ah ouais. Bonne soirée à vous tous. On se retrouve demain 20h-21h. Révélation de l'année. Ce sera entre 20h et 21h pour connaître qui sera le numéro 1. Rencard sur Skyrock dans Planète Rap. Bonne soirée. C'est Difool maintenant. Tous les matins sur Skyrock. Il se passe.